Chapitre 31e. Je suis un misérable. Les deux frères, devant ce lit, tenaient leur regard anxieux sur cet homme déconcertant, se demandant cela maintenant. Mais les yeux du comte de la Guérinière ne disaient rien de mauvais. Il regardait droit et sa figure pâle, blême, ne dénotait, à part celle des aiguillons de la douleur, aucune contraction mauvaise, aucune perfidie, aucune pensée secrète. Lentement, ayant prié le docteur qui l'avait assisté sur le terrain et l'aide de Robert de vouloir bien un moment se retirer, il commença à voix basse, disant aux deux frères de se rapprocher de lui. « Messieurs, que je vive, grâce à la science et au dévouement du docteur Robert, ou que je meure, comme ce serait justice, je dois vous faire l'aveu que je vous prie d'entendre. » Le docteur Robert tenait prêt un verre de cordial dont il faisait prendre aux blessés une cuillerée de temps en temps. « J'aurais voulu, » reprit le comte de la Guérinière, « que cet aveu fût en même temps, que par vous, entendu aussi par Paulin Broquet, ou par un juge d'instruction. Mais cela n'est pas possible. Nous ne pouvons attendre. L'heure ne nous appartient pas. Je dois cependant parler. Écoutez-moi. C'est d'ailleurs par un enchaînement de circonstances imprévues dont je suis heureux que vous pouvez, vous, messieurs Montreuil, vous trouver devant mon lit de mourant et m'écouter. » Après un court silence, reprenant haleine, le comte de la Guérinière reprit « Messieurs, je suis un misérable. Je mérite le mépris de tout ce qui est honnête et loyal. Je suis un misérable, certes, grandement misérable, mais je ne suis pas le scélérat que vous supposez. Je ne suis pas l'assassin du malheureux banquier Montreuil. Vous n'avez pas tué notre père ?» s'écrièrent les deux frères en tressaillant. « Non, messieurs, non, croyez-moi. Laissez-moi parler. Je n'ai pas non plus volé les diamants de la baronne. Je n'ai pas tué, assassiné mes compagnons prisonniers, le comte de Marnay et cet autre malheureux, pour les empêcher de parler. Je ne leur ai pas brûlé la figure pour qu'on ne puisse les reconnaître. Mais vous êtes bien le comte de la Guérinière. Si je suis vraiment le comte de la Guérinière, je ne suis pas le comte de la Guérinière qui est Zigomar. Non, je ne suis pas Zigomar. Vous n'êtes pas Zigomar. Alors qui est ce bandit qui se donne pour le comte de la Guérinière, si ce n'est vous? Et vous, qui êtes-vous? Je vous ai dit, messieurs, que j'étais un misérable. Écoutez-moi, vous allez comprendre. » Reprenant haleine, le blessé ajouta. Paulin Broquet, qui a fait une sérieuse enquête sur moi, vous dira quel a été mon passé d'expédients et de moyens douteux jusqu'au jour où tout à coup ma vie a changé, où j'habitais cet hôtel, où j'ai mené cette existence de fête, de plaisir, que vous connaissez. Passons, car les minutes sont précieuses pour moi, et je veux avoir la force, le temps de vous dire ce qui précisément vous intéresse. » Il demanda à Robert une gorgée de cordial et reprit. « J'avais commis la dernière infamie qu'un homme aux abois puisse commettre. J'avais volé. Un homme connaissait ce vol, le baron Dupont. » « Le baron Dupont ? » s'écrièrent les deux frères. « Oui. Il pouvait me livrer, me perdre, et au contraire, il me manifesta sa pitié, m'offrit de me sauver. J'ai accepté. Voici pourquoi. J'avais fait depuis peu la connaissance de Lucette Minois. J'en étais comme maintenant encore très amoureux. Pour elle, pour être son seul amant, j'ai volé chez elle un superbe collier que je suis allé vendre à un receleur. Cet homme était un ami du baron Dupont, sinon le baron Dupont lui-même. Voilà comment il me tenait. Voici maintenant pour me sauver ce que le baron exigeait de moi. Il m'offrait cet hôtel et de l'argent pour mener le train de vie que j'ambitionnais, pour pouvoir être l'amant de Lucette Minois. En retour, je lui cédais ma personnalité. Votre personnalité, c'est-à-dire qu'il y aurait un autre comte de la Guérinière qui agirait dans la vie parisienne comme bon lui semblerait, sans que je puisse soulever aucune objection. Nous comprenons. Un ami du baron Dupont se tenait toujours près de moi. Il me donnait les instructions, les ordres, chaque matin et chaque soir. Je devais obéir immédiatement sans répliquer. D'ailleurs, ce que j'avais à faire consistait seulement à me montrer très ostensiblement à certains endroits, ou à disparaître soudain, pendant que l'autre comte de la Guérinière opérerait. Bien. Messieurs, j'aurais dû refuser, me révolter, et recevoir la punition de mon vol, ou expier et me tuer. Mais la vie était trop facile, si belle, et j'aimais tant Lucette Minois. Vous n'avez pas eu la volonté de vous racheter? Non. Cependant, je dois déclarer que j'ignorais les crimes auxquels on mêlait mon nom. J'ignorais que le comte de la Guérinière fût Zigomar. Ah, Zigomar, vous ne saviez pas? J'en ai eu le soupçon seulement quand j'ai connu l'affaire de la rue Le Pelletier, quand votre père a été assassiné. Qu'avez-vous fait à ce moment ? Je me suis révolté. J'ai voulu tout révéler à la justice, mais ils m'ont emprisonné ici, tenu sous clé pendant quelques jours. C'est Zygomar, non moi, que Paulin Broquet vint chercher ici. C'est Zygomar qui a été confronté avec votre malheureux père. Tout d'ailleurs était préparé pour cette confrontation, pour la gloire de Zygomar. Quant à moi, on me tint prisonnier jusqu'au moment où l'on proclama l'innocence du comte de la Guérinière. Ensuite, j'ai repris alors ma vie de fête, de plaisir. C'est mon tort, je le confesse. J'aurais dû parler, informer la justice. Mais tout révéler, c'était perdre Lucette Minois. Et j'eus la faiblesse de me taire. Cependant, depuis cette affaire, le baron Dupont et son neveu Zygomar n'ont plus eu confiance en moi. Je les gênais. Ils me craignaient. Ils m'ont alors condamné. Ils devaient me tuer à la première incartade, à la prochaine révolte de ce qui me restait de conscience. Les deux frères écoutaient avec une émotion indescriptible ce poignant récit. Dans mon contrat de honte, continua le comte, je devais me battre quand le comte de la Guérinière, lui ou moi, se trouvait engagé. Quelquefois, lorsque l'adversaire n'était pas redoutable, le neveu du baron, ne pouvant faire autrement, allait sur le terrain. Il est, vous le savez, de première force aux armes, et connaît quelques coups foudroyants qui lui ont toujours réussi. C'est ainsi qu'il croyait qu'il viendrait facilement à bout du capitaine de Rennebois. J'ai, moi, refusé de me battre avec le capitaine, refusé formellement de le tuer, comme on me l'ordonnait. C'est donc Zygomar qui a dû se charger de la rencontre et de ce meurtre. Le misérable. Il m'a laissé en revanche Monsieur Mathieu, usinier, la betterave, qui faisait la cour à Lucette Minois. Cette affaire semblait avoir lieu malgré lui, en dépit de ses instructions, par ma propre faute. En vérité, j'ai surtout été entraîné par les événements. On ne redit vraiment que dans cette aventure, en apparence banale, une volonté ferme, décidée, réglait la marche des événements, sans que ni le baron Dupont, ni Zygomar eussent le pouvoir de les arrêter, d'en modifier le cours. D'ailleurs, depuis quelque temps, Zygomar a disparu. Il a, dit-on, quitté Paris, et s'est lancé sans doute sur une nouvelle affaire, ainsi que le baron Dupont. Mais je crois plutôt qu'endommagé fortement par Paulin Broquet, il est allé se reposer, se remettre. Néanmoins, il m'a fait savoir qu'il était très contrarié de tout cela, que cette affaire lui déplaisait fort. Zygomar et son oncle me recommandèrent d'en finir au plus vite avec la betterave. J'espérais, quant à moi, piquer mon adversaire au bras et terminer la rencontre de façon bénigne. Mais j'ai trouvé en face de moi un adversaire que je ne soupçonnais pas. Alors, messieurs, j'ai tout deviné, j'ai vu le traquenard, j'ai compris, je sais. Que savez-vous ? Cette affaire a été admirablement machinée. On a compté sur ma jalousie. Ce monsieur Mathieu, usinier, n'a jamais existé. La betterave est un comparse, un affilié, un zède. C'est un homme de la bande de Zygomar. Les deux frères tressaillirent violemment en entendant cette déclaration. « Un homme de la bande de Zygomar ? » s'écrièrent-ils. « Qui vous fait croire ? Tout ? Le résultat, la comédie jouée par cet homme et ma blessure. Ils me l'ont lancé dessus pour me faire tuer par lui, pour se débarrasser enfin de moi, pour commettre un assassinat dont la justice ne pourrait leur faire reproche puisqu'ils m'auraient tué en duel. C'est possible. C'est cela, car j'ai bien vu, au premier contact du fer, que mon adversaire, d'apparence paisible, timide, jouait admirablement son rôle de bon enfant. C'était un homme des plus redoutables, une fine lame. J'ai vu tout de suite qu'il voulait me tuer, et je me suis défendu. J'étais battu. Ils ont gagné. Je vais mourir assassiné. Moi, le comte de la Guérinière, assassiné par Zygomar. » Le blessé, fatigué, retomba sur ses oreillers en murmurant « Mourir ? Tant pis. Cela vaut mieux pour moi. Mais je serai vengé, par vous. C'est vous, les fils du banquier Montreuil, assassinés. C'est vous qui avez si fortement maudit mon nom. C'est vous qui allez venger ce misérable comte de la Guérinière, maintenant que vous savez. » Robert se pencha sur le comte et lui dit « Prenez courage. Vos fautes peuvent se racheter. Je vous affirme que vous ne mourrez pas de ce coup d'épée. Je vous affirme que vous êtes sauvé et que dans quelques jours vous entrerez en voie de guérison. » Mais il ajouta « Maintenant, ne parlez plus, reposez-vous. Il vous faut seulement du repos, du calme, de la patience. Oui, sauvez-moi. Ah, si je pouvais vivre, me venger. Oui, je vais dormir. Mais je vous en prie, Dites qu'on me réveille, quand Lucette sera de retour. C'est entendu. » Lucette Minois arrivait presque au même moment. Elle fut heureuse de constater du mieux dans l'état de son amant. « Je vais rester là, » dit-elle, « près de lui, toute la nuit. » Les deux frères avancèrent une chaise longue tout près du lit. Lucette s'y étendit. En la regardant, en lui souriant, le blessé sentit le sommeil le gagner. Raoul et Robert se retirèrent tout angoissés à la suite de cette scène. Ils se rendirent dans le salon de l'hôtel, dont les fenêtres donnaient sur un petit jardin, qu'une grille de fer séparait de la rue. Ils éprouvaient le besoin de respirer un peu d'air, de sentir de la fraîcheur sur leur front en fièvre. Ils voulaient également pouvoir, entre eux seuls, parler de cette scène inattendue et chercher un moyen de faire connaître le plus tôt possible cette étrange révélation à Paulin Broquet. Simon, qui jouait ici le rôle d'infirmier, se faufila à ce moment jusqu'à eux et leur dit rapidement « Le chef a établi la souricière. L'hôtel est cerné. Il est probable cette fois qu'on tient le vrai Zigomar. » « Le vrai Zigomar ? Paulin Broquet sait donc ? Naturellement. Il me charge de vous dire de ne pas bouger d'ici. » Dans la maison maintenant régnait un silence profond. On sentait que quelque chose de grave, de tragique, se préparait. Et tout se passait dans l'ombre, dans le silence. C'était vraiment impressionnant. Puis soudain, des cris retentirent, des cris de rage folle, des hurlements de colère. Et presque aussitôt, des coups de revolver crépitèrent. « À moi ! À moi !» cria une voix. Cette voix, Robert et Raoul la reconnurent. C'était la voix de Paulin Broquet. La voix venait, malgré les tentures, on la distinguait, on l'entendait, de la chambre à coucher du comte de la Guérinière. Pour que Paulin Broquet appelât ainsi à l'aide, au secours, il fallait qu'il courût un danger, qu'il se trouvât en péril. Peut-être était-ce sur lui qu'on venait de tirer, et l'avait-on blessé? Malgré la recommandation que leur fit Simon de ne pas bouger, les deux frères se portèrent aussitôt au secours de leur ami, répondirent à son appel pressant. Sans se soucier des coups de revolver qui pouvaient les guetter dans cette chambre, sans doute maintenant envahis par les bandits, ils y coururent. « De la lumière !» cria Paulin Broquet. « Vite, de la lumière !» Le docteur Robert, qui commençait à connaître les êtres de l'appartement, tourna les boutons électriques. Aussitôt le lustre du plafond, les appliques des murs s'illuminèrent et la pièce fut inondée de clarté. Alors, un spectacle effroyable s'offrit à leurs yeux épouvantés.